venez quand vous voulez au standard de WFM dès demain. Au revoir. WFM, bonjour. Ah ah ah ah ah ah. Salut, mon zozo. Avec tes frisettes, mes tracés! Ah! Casoban! Casoban! En short? Bah, Casoban, ça va bien, oui. Ceci! Ceci est tout nu! Ceci est tout nu! Au secours! Au secours, ceci est tout nu! Ah, mes amis! C'est l'enfer! En ce moment, c'est le bordel grave! Bon, je l'avoue, même si vous vous en doutez un petit peu, c'est Sylvia Sarkozy est chez moi. Eh oui! La pauvre, elle avait besoin de réconfort! Elle a dû aller chercher dans les pages jaunes et elle est tombée sur moi. Vous me connaissez, je suis bon comme le bretzel chaud, moi, alors je l'ai accueillie. Elle était dans un état, la pauvre. En même temps, elle a cherché la fille. Avant d'être avec Sarko, elle était quand même avec Jacques Martin. Ah. Déjà, il y a 19 ans, t'imagines le calvaire. Elle rentrait à la maison et tous les jours, il y avait un gars qui lui disait en la voyant « Comment tu s'en fais ?» Pas étonnant qu'elle soit barrée. Eh ben Nicolas, t'es pas de la tarte non plus. Hein. Hier soir, elle a essayé de se confier au grand Helmut. Ça te va comme musique, Cecilia? Ah oui, oui, c'est parfait. Alors voilà, le problème avec Nicolas, c'est que... Oh, vas-y, enlève tes fringues, tu seras plus à l'aise. Oui, vous avez raison. Il fait une de chaleur chez vous. Vous trouvez? Ah oui. Bon, 38 degrés. J'aime bien voir la température de mon appartement en harmonie avec celle de mon slip. Ah, ça fait 1 degré au-dessus de la moyenne quand même. Tu sais, ma crevette, j'ai beaucoup de trucs au-dessus de la moyenne, hein. Je disais donc, avec Nicolas. Mais fous-toi à poil, bon Dieu! Ah, tu le prends comme ça. Et là, je sais pas ce qu'il a pris. Je sais pas. Elle a mis ses fringues par terre. Elle leur a foutu le feu. Elle a dansé du hip-hop. Elle a fumé un pamplemousse séché. Elle s'est jetée sur moi en hurlant. Vas-y, le squal! Mords-moi l'œil et fais-moi dessus! Je suis ta serpillière! Je suis ta ventouse à water! Fais-moi traîner par terre comme une vieille éponge spermicide! Vas-y, bon Dieu! Elle m'a foutu les jetons, je te l'ai balancé par la fenêtre! Non mais, c'est Helmut qui donne les ordres, pas le contraire! De Dieu, au Wiedersehen!